No Farm Grooves Éclectique, présenté par la Société des Ambianceurs. Tous les lundis sur radiousine.net à partir de 19h. Yes, yes. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue à ce 53e épisode du No Farm Grooves Éclectique. Voilà, j'espère que vous toutes et vous tous vous portez bien. Là, on est parti pour un petit peu moins de 2 heures de bonne musique. Une fois de plus là, donc, enfin, on va continuer donc ce petit périple. Congo Latino, donc que nous avions entamé il y a 2 semaines, à la différence qu'ici il n'y aura aucune restriction d'époque, donc ce qui veut dire que nous allons balayer comme ça pratiquement 50 voire même 60 ans de rumba congolaise, voilà, donc rumba de Brazzaville, rumba de Kinshasa, donc de la salsa à Son Montuno encore. Et voilà, donc on va se faire plaisir donc avec une pléiade d'artistes que l'on a déjà joué et d'autres un peu plus confidentiels. Voilà. Donc là, on va partir tout de suite avec un son de l'African Fiesta, Guantanamera. Voilà, c'est parti. No Farm Grooves Éclectique, 53e épisode. Let's go. Martínez Campo creía que Cuba iba a ser de España y andaba por las montañas con fuerza de artillería. Somewhere

téléphone ya bureau na yo. O selimanja moto ya moteme matimba la moko. I selimanja na luki pa téléphone ezali. Kati yonde ba mabando mabayaka yonde polio yonde nandimi tosa la famille suka ya la vie leki ya odete kati yomotema yose miro ya ngai ganda ya se. Etikali mama, kakali kango mako, napesa mbongo baboti manimanga. Mbongo kikaterine, na misa ya kolalisa, mbote naturele, nalula na motema. Soki mbala na yo, azongi na kisasa, na kobone na ye, po anipa yo. Bote naturele na lula na motema. Soki bala na yo, azongi na kisasa, na kobone na ye po andima yo. Yonso ezali chance ya kobotama koyo kisanga isonite na miso ya depi na bomikolo mibale mama to panza libanda koyo nensuka ya lami na kozwa ya natine okati nane mina kinuma yanga ya kifedeto na mwana mwasi sena linganga ina sangwe. Yango na lingi na sekisa ya ngai nzoto. Na zwanga na moko ya siu na vanda kimia. Oyo nesuka ya la vi. Koli ganzoli tambonie, oh mama. Lopola na nimi ya koka mwanite. Koyo yonso ezali chance ya kubotama. Koyo kisanga isonite na miso ya bosha. Na bomi kolo mi vale mama to panza libala. Koyo nensuka ya la mi. Na kosuwa ya natine okapi. Nale mina kinuma yanga ya kifedeto. Na mwana mwasi sena liganga inasambwe. Yango na lingi na sekisa yanga inzotu. Na zwanga na moko ya siu na vanda kimia. Oyo nesuka ya la vi. Thank you. mona mwasi se na liganga na sangwe yango na meki na sekisa ya ngai nzoto na suanga na moko ya sur na vandakia ikato sala na yo famille Là, de retour en direct après ce deuxième bureau Nganda de l'orchestre Les Grands Maquisards, donc à la période où Samangwana justement a quitté l'orchestre depuis quelques temps. Voilà un morceau qu'on avait déjà passé, mais qui colle parfaitement à la thématique. Voilà pourquoi on se permet de le repasser une deuxième fois dans ce No Form Grooves spécial Congo Latino. Voilà, donc au niveau de la tracklist, donc on était avec Guantanamera en première position de l'African Fiesta, ensuite Bas Patron de John Poyi et de Lukoki Diato. Voilà. Donc ils quittent ensemble le TPOK Jazz en 82 pour former un duo qui sera extrêmement productif. La même année, donc en 82, ils enregistrent en Côte d'Ivoire l'album Bas Patron qui restera l'une de leurs collaborations les plus diffusées. Ils s'entourent de Bopol, de Maître Dizzy Manjeku ou encore Ringo Moya pour sortir l'un des hits du début des années 80s, Bas Patron. Ça sort sur Maïkano. Label ivoirien, donc c'est enregistré à Cocody. Voilà, ça c'est pour les diggers qui veulent vraiment savoir le tenant et les aboutissants. Ensuite, on avait Selimanja de Pamelo Munka. Donc, c'est un morceau qui fait très bien la transition entre les années résolument latines de Pablito. Et en fait tout le travail qu'il a effectué dans les années 80, donc à savoir une rumba vraiment orientée des morceaux vraiment orientés soukous avec 1 minute 30 grand maximum de rumba, et ensuite le rythme s'accélère vraiment pour laisser place à la partie dansante. Donc c'était Selimanja de Pamelo Munka accompagné par l'orchestre Les Bantous de la Capitale, hein. Un classique du début des années 80. Ensuite, donc le deuxième bureau Nganda de l'orchestre Les Grands Maquisards, donc avec Gouvano à la guitare, hein, donc un maître de la guitare, un génie, un guitarero, appelez-le comme vous voulez. Voilà, j'en profite pour passer une grosse dédicace à mon pote Rafa Escobar. Special shout out for you, my bro, mi hermano. Voilà, j'espère qu'en Colombie ça va. Grosse dédicace à vous, les Colombiens. Special shout out for all my brothers and my sisters from Colombia. Keep head up, bros. This one's for you. Alors, on va faire un petit retour en arrière là avec un morceau de l'orchestre. L'orchestre Conga Succès de Johnny Bokelo, qui était l'une des formations les plus productives des années 60. Ici, on s'écoute Semekinde, une déco composée par le jeune frère justement de Bokelo, Portos. C'est parti, vous êtes bien calés sur le No Form Grooves Éclectique 53e épisode, Congo Latino numéro 2. Rafa, this one's for you, my bro. Kasi ya kofinga ngao mobango zalina katoza yoko kwesa ndeke nasambela kaka nzambe kino yokola nasambela kaka nzambe osilisa kelasi baboti basepela babokoli mwana mobangunga nakobala te mobango zalina nuleki eyo katoli mobango zalina nuleki ekebala vi ba mercedes ekoyelaka yo keba silisa kelasi enga nakozela yo Zalina nuleki eyo katoli Mobango zalina nuleki ekeba la vi Ba Mercedes ekoyelaka yo keba Silisa kelasi enga nakozela yo Lalembi ngai na mboni Silisa kelasi enga nakozela yo Oh yo mobango mama Silisa kelasi enga nakozela yo Oh,

kimia ekoma ya koluka butu nyoso na pema wapi mama na meli mai ya mpio nzoto elemba mwaye temo teme koshope na luki kitambala na panguisa elongi mitoki eko bima mama boni bwana ba mumbu nyako silemba ote mangala kiere mama mehe nangala burinisa burinisa ote mananga ipasi ote mananga imota nakobela liboma nakobela liboma kama ya koluka mikolo miso na salaboni mama na menikisi ya pongi pote na pemisa bongo na gai mwayende ho na mekili susu kwiti ya masanga na komono zoto yeko bure mama bweni bwana ma umbu ni akusile ma ote mangala kiare mama mehe nangala burinisa burinisa mote mananga ipasi mote mananga imoto nakobela liboma nakobela liboma Kizungu zungu ezingama Kizungu zungu ezingama Nanya kome mangana zela ya kikala Namone paibana paplo bazwi likama Likambwa balo bie lembisi ngai Likambwa balo bie kangi ngai matoye Nakosa mela sheri nangapika Nakosa mela puta tu casa pica Nakosa mela trio se pa cosa pica Nakosa mela familia peuple li moite Nakatia molili Oh yeah yeah yeah yeah yeah Nakobanga ho Balobili susu si ta sope a kufi Ebe me basi ba memi na lopitalo Mope mama ko pasuka na kometa Mope mama ko pasuka nena mawa Mope mama ko pasuka na kometa Nakatia bolo zingana tikali Nakatia bolo zingana tikali mama Nakatia bolo zingana tikali Nakosa mbela buta nzozi ya pika Nakosa mbela buta filipe ya pika Oh yo yo yo yo yo yo kobanga ho alobili susuti tosope akupi ebembe basi bamemi na lopitalo motema moko pasuka na kobeta motema moko pasuka nde na mawa motema moko pasuka na kobeta na kati ya bolozi nga na tikali na kati ya bolozi nga na tikali mama na kati ya bolozi nga na tikali De retour en direct après ce magnifique you de Lucy Eyenga. Lucy Eyenga qui est vraiment la grande dame de la rumba congolaise. Sans elle, pas de Reine Cléopâtre Mbilia Bel, pas de Fayatès, pas de Jolie d'État, pas de DS. Voilà, donc toutes celles qui sont arrivées après n'auraient pas pu avoir le l'aura qu'elles ont pu avoir justement si Lucy Eyenga n'avait pas justement n'avait pas ratissé tout le tout le chemin avant elle. Donc, fais un peu. Enfin, petite anecdote. Donc, Youyou, là, on peut trouver une précédente version, donc toujours de Lucie Yenga, donc avec des paroles différentes, sous le titre Brigitte. Donc, vous pouvez trouver ça sur. Sur une des compilations Rock Mambo, je crois que c'est le volume 3, ou sinon sur les excellentes. Sur les excellentes compilations qui sont sorties sous ce label, sous le label Planet Ilunga, donc qui sont sorties en 2013. Donc il y en a une spéciale Rock Mambo, donc un joli double vinyle. Donc vous trouverez la version qui s'appelle Brigitte. La version Youyou, moi je l'ai eu sur un CD qui s'appelle Les Pionniers Bankolo Miziki. Donc Bankolo Miziki, c'était ce super groupe qui s'est formé justement dans les années 70, dans les années 70, pour justement faire la promotion de la rumba congolaise. Donc c'est un mélange vraiment de rythmes tribaux, comme là on peut entendre avec la chanson Oleki Olekaka. Donc voilà. Bankolo Miziki, c'était Adou Elenga, Lucie Elenga, Ferruzzi Camille, Manuel d'Oliveira, Wendo Colossoy, hein, Léon Bukassa. Voilà, c'est absolument génial. Hein. Ce sont des chansons qui ont été enregistrées début 70, donc c'est peut-être 73 à vérifier. Voilà, donc c'était donc Youyou, Lucie Elenga. Et auparavant, nous avions Accident Y'a Peuple du trio Sepakos, mais que l'on trouve sur un best-of justement de Cosmos Mutuari. Donc sur un best-of de Cosmos Mutuari, les grands artistes africains. Voilà, donc trio Sepakos, je répète, hein, Célestin Kouka, Pamelo Munka, Cosmos Mutuari. Et avant ça, nous avions Pamplemousse de Bumba Massa. Bumba Massa qui vient de fêter ses 70 ans, donc 70 ans de carrière, avec un album, l'album V70 qui sort chez. Alors ça sort chez Pias. Voilà, donc Pias existe encore. Hein. Un superbe album, voilà, de rumba congolaise avec quelques digressions. Du côté de la salsa aussi, c'est superbe, c'est propre. Malheureusement, ça reste de la rumba congolaise enregistrée en studio. Donc, il manque malheureusement pour moi le cachet un peu d'enregistrement à l'époque, de musique de grands ensembles. Mais ça reste très bon. Et d'ailleurs, je ne peux que conseiller à l'achat. Et avant ça, nous avions Mambangu de Samangona et de son ensemble, Mambangu qui est écrite intégralement composée par Ferry Makou. Voilà, donc c'est pas une composition de Samangona comme certains pourraient le croire. Voilà, j'en profite pour passer une dédicace à mon papa René Villeneuve. René, j'espère que tu passes un excellent moment en notre compagnie. Ce Congo Latino numéro 2, spécial Amérique latine sur les rives du Congo, voilà, entre Kinshasa, anciennement Léopoldville, et Brazzaville. Voilà, donc vous êtes tous, je l'espère, toujours bien calés, donc devant votre ordinateur ou votre téléphone portable. Nous formerons Éclectiques, 53e épisode du nom. Musique incendiaire pour mélomane, pyromane. Là, on part avec l'orchestre Mondo Negro Kuala Kua et la track Aksam Amifirn. C'est parti. C'est bien ça, grand master. Mmh. pratique tanko salaka amifir na l'amour et bon guité na juge ma l'amour totia alliance na mon sapi l'amour est à la qui m'a kango boligo et yebana qui fiança et l'opete na mon sapi. Moya to sabe la cana sabe na pense a yo kite na juge mal la moto dia alias na mo sapi l'amour est à la qui m'a tango boligo et yebana qui fiança et le l'opete na mo sapi. Salaka ami fin la l'amour est bon guité la juge ma l'amour totia alliance na mon sapi l'amour est à la qui m'a tango boligo et yebana qui vient sa yelele l'opete na mon sapi. Yo ami firme na lingi yo salawanga Sendibela yo mwana Agnes Bote nzambe, bote ami firme Agnes apote langa mwana oyo oh, oh, oh, oh. Na sombe la capriye ye Akende ke zando Na pake la yedi ya era friye Akende bako jepe menya nono Na sombe la capriye ye Akende ke zando Na fute la yedi ya era friye Akende bako jepe menya nono. Na sombe la capriye ye A kende ke zando Na funke la ye biya era fri A kende bako jepe menya dodo. Thank you.

kimi e komi delikambo mato salinga nini e sofia lingi e lobelanga mote ma pasie diye na panzi mato moye na sala nini e diye mato kawayo mopeni mama mina kupenda mama miye nita kufa ta kufa bure na mapendo osikie wepenzi wangu ni kwambie mwana uma na pata tabu juu ya mawazo Lubumbashi ni mbali niye mitarudi Sema ni kumbukake, nitakufa Amor, oh, ma. Baie, bisinga, bisinga ina mwa ser solo mo koti lo pitaloge mo koti lo pitaloge na mo kana yo shu shu na ki bangu e akolimbisa o nzambe akolimbisa oh amundelia emela kokite kobosa na yo tika solo na sambela emela kokite kobosa na yo tika solo na sambela elia na ponio zala sewanga nzambe akolimbisa Zambe akolimbisa, oh Zambe akolimbisa, oh amunelia, emera kokite kobosa na yo, tika solo na sambela. Emera kokite kobosa na yo, tika solo na sambela. Delia na ponio, zala sewanga, Zambe akolimbisa. Ewawa, ewawa, ewawa, ewawa, ewawa, ewawa, ewawa, ewawa, ewawa, ewawa, ewawa, ewawa, ewawa, ewawa, Thank you. Bana fiesta, ma pose kana beba kobola, na kubala na vis-à-vis, ma petit moi boyoka, na kubala na vis-à-vis, ma petit moi boyoka. Fiesta, la pose canapé va copona, la cubana na vis-à-vis, la petit moi boyoka, la cubana na vis-à-vis, la petit moi boyoka. Thank you. hombre, ahí la dona finca hombre. Chacha, mi querida, me muero. Oye, me mulata. Oye, mi querida. Chacha, mi querida, me muero. Oye, me mulata. Oye, mi querida. Acuyo y es sabroso, sabroso. Acuyuye sabroso, sabroso. Acuyuye sabroso. Oye, me mulata. Oye, mi querida. Acuyuye sabroso. Oye, me mulata. Oye, mi querida. Acuyuye sabroso, sabroso. Acuyuye sabroso, sabroso. Acuyuye sabroso. Oye, me mulata. Oye, mi querida. Sabroso. Oye, me mulata. Oye, mi querida. Thank you. Yes, yes. De retour en direct après ce Tokomisa Congo des Bantous de la capitale. Juste avant, nous avions le Tchatcha Kerida, toujours des Bantous. Voilà, donc ce sont des tracks qui sont disponibles sur les compilations Les Merveilles du Passé 62, 63 et 63. Avant le Tchatcha Kerida, nous avions La Vida Africa de Grand Calais et l'African Jazz. Cubana vis-à-vis Taboulé Rochereau et l'orchestre Afriza, Amour d'Elia de l'orchestre Mental Okoka, Mado de l'orchestre Vox Africa de Janogo Mobenga et Axa Mamifian de l'orchestre Mondo Negro Kuala Kuala. Voilà, donc on va gentiment aborder le dernier segment de cette émission. J'espère que vous avez passé un excellent moment. L'épisode numéro 2 de Congo Latino, cette fois-ci sans restriction de période. Donc, je le répète, hein, des sons qui allaient des années 50 jusqu'à 2018 avec la track Pamplemousse de Bomba Massa. Voilà, là on va partir avec un petit tout puissant OK Jazz avec la track Disasso Ya Kronenbourg. C'est composé par Franco. J'ai malheureusement pas la date à vous communiquer, mais en tout cas c'est 66-67 approximativement. Voilà, c'est parti. Depuis biso otimbo kato komia na poto na muni nzoto na biso komi kolongo no bo pe tompe bon kokono. Bikamuni nyango yoku? Ka konenguru tozo mena kata nyo sobi. Di nabine edwa muko musu diala tinga na erka trene toke na nganda fenyon di tokuti ba fiancé. Diala lobi nanga bi komande na 12 kronamburu kuna. Nabina fenyon fenyon pesinga 12 kronamburu nabino yaki malili. Oh yangan mwana ngando. Bikamote na meki konambu na ver peyo ya konambu na tina di bumbu noki mesa noki posya di bumbu e sali pe mata me komo sa ika yo so ni kamunino konambu ka ya lo azo boma biso au kana masanga basi bako kufela kana mutili konambu rogo masanga ngai na kufela kana ndako e konamburogo masanga mibali bakolinga kana kongo yao konamburogo masanga franco akomela kana ndako e konamburogo masanga edo akomela kana inzo e konamburogo masanga viki akomela kana itandao konamburogo masanga vekisa komela kana mpoto bandeko konamburogo masanga dialo akankufela kana mokilio konamburogo Ata bosali cotisation na quartier, Bokoti a pété à titre posthume. Atambo meli ba café na ban sambango yao. Mokolo na koku pati ne zalili susu tebu. Oh, oh, oh, dansali sana tango ya la vie. Mokolo toko kufati ne zalili susu tebu. boko babo salinga ye na sala makasi awa na salinga nuna bongo ye. Linga kanga ye kaka soki ya moninga nazali soki na pesi e mokongo bondo kinyoso e bimi soki na pesi e mokongo bondo kinyoso e bimi vogo. Linga kanga ye kaka soki ya moninga nazali soki na pesi ye mokongo bondo kinyoso ebimi soki na pesi ye mokongo bondo kinyoso ebimi vogo. Ayao, Feli, poti silika kako silika mama nako sala nako kanisa peli na yona pesi bolingo ayao peli oti kako silika mama. Voilà, on vient de s'écouter Feli de l'orchestre Frisa et l'homme à la voix de velours, Taboulé Rochereau. Voilà, donc notre deuxième épisode du Congo Latino s'achève sur cette délicieuse chanson. J'espère que vous avez passé un excellent moment en notre compagnie. Passez une excellente fin de soirée avec, avec le Magacho qui va débuter dans, dans quelques instants. Ils sont en train de mettre en place... Les 45, ça mange, ça roule, ça va boire aussi. Yes. Pourquoi tu nous grilles comme ça à l'avance ? On est déjà grillé de toute façon. T'sais, avec l'étiquette Radio Usine, t'sais, je crois que on est dead déjà. Alors ça va, on est ensemble. Big of Carl. Yes. Voilà, donc je vous laisse en, entre deux mains expertes. C'est parti, on va voyager du côté Kingston. Portez-vous bien et à une prochaine fois. Bye bye.